De prière à nos âmes. Pour nous, ce n'est pas qu'un simple, une simple formalité. Une simple coutume d'un jour. C'est une grande opportunité. Tout un privilège que nous avons de nous approcher de Dieu. Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux. Et tu écoutes les prières. Tu exauces effectivement. Nos âmes en sont convaincues. Sinon, nous n'aurions même pas parlé. Nous parlons parce que nous croyons. Et nous croyons parce que tu es vivant. Seigneur, que ta manifestation soit ici. Avec chacun de nous, pour répondre à ses besoins. Pour croire, nous avons des besoins divers. Tous nous avons les mêmes combats. Un ennemi commun. Donne-nous la victoire. Quelle que soit la situation, donne à chacun la victoire. Que le nom de Jésus-Christ nous rende plus que vainqueurs. Seigneur, que ta lumière brille sur notre chemin. Et que Satan soit complètement défait. Et échoue. Réclamons les échecs des démons. Donne-nous cela, Seigneur. Si les démons échouent, s'il te plaît. Nous croyons que tu es fidèle pour honorer la foi de ces églises et confondre ce que nous avons. Bénis cette église, relève le niveau de chacun, la grandeur cachée au-dedans et l'amour parfait de Dieu. Dépends-les dans nos âmes. Que nous voulons refléter en retour être comme Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu. Dans Nombre chapitre 12. De verset 6 à 8. Nous connaissons. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Yo alba chete, yo kamo na konangai, soko musako ya jali kati na bino, ngai yawe na komiye bisana ye na emono neli, pe na kosoro na ye na liloto. Jali buete na mbo na ngai mosi, pe ye uyo ajali sembo na ndako na ngai mubimba. Na kosoro na ye na mifo na ye polele, na mabomba mite, pe ye akotalaka elilingi na yawe, na bongo, bebanga kite kwa mabe na tina na mbo mwangai mwose, kuna nini? Matthieu, chapitre 17. Matayi, mwakapo ya zomi na sambo. Verset 10 et 11. Mwongo ya zomi, zomi na nato. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Bayekoli batuni yete, pona nini bakomeni bajali koloba ete, ikoki Elia ayali boso. Ya zoni siete, Elia jali ndeko yampe kubongisa matambo yonso. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur. Pour nous, un grand privilège à vous. De nous rassembler comme ceci au nom de Jésus-Christ. Pour traduire en acte notre foi. Nous croyons un Dieu vivant. Et nous avons parlé à ce Dieu-là. Nous croyons un Dieu de vérité. Et nous sommes disposés à écouter sa parole. Nous croyons à un Dieu fidèle, convaincu de chaque promesse, il peut la réaliser. Et que Dieu n'a pas de limite à ce qu'il peut faire, tant que sa parole a tout prévu. Notre foi doit aller avec Dieu dans l'illimité. Qu'il fasse tout ce qu'il peut. Nous sommes disposés, prêts à croire. Pas seulement prêts à croire, mais aussi prêts à témoigner. À parler positivement de ça. Et la gloire soit rendue à Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Regardez, nous sommes en train de parler de la première commission de William Branham. Hier, notre pensée de méditation, c'était le témoin. Autour des témoins de la première commission de William Branham. Et là, nous avons cité William Branham lui-même d'abord, un témoin oculaire. Et Frère Branham a cité son épouse sœur Meda, qui était là, qui n'avait pas vu la lumière, qui n'avait pas vu la voix, lors de l'événement de juin 1933. Parce que l'événement, comme nous l'avions dit dans la prédication d'hier, nous devons nous rassurer que l'événement avait effectivement eu lieu. Et nous continuons à insister pour dire que ça a eu effectivement lieu. Et tous ces milliers de témoins, des milliers de gens qui étaient là, qui ont confirmé ce fait au cours de l'histoire dans l'Église. A prêché le 27 avril 1964. Et il avait à peu près, je vous lis même en anglais pour que vous voyez. Donc, et nous avons dit, l'année ne fait pas de problème. Les mois non plus. Sans affecter. Mais les jours, point d'interrogation. L'heure aussi. Il n'y a pas de divergence, c'est 14 heures. Alors ici, dans la prédication, allez réveiller Jésus. Bon, mais déjà hier, là, dans la prédication, un procès. Le Brenham avait dit, entre le 16 et le 18 juin. Mais c'était au milieu du mois de juin. In the middle of June. Au milieu du mois de juin. Donc, ou à la mi-juin. Okay. Les 16, nous avons dit que c'était un vendredi. Les 18, c'était un dimanche. Alors, dans la prédication, allez réveiller Jésus. Prêchez le 30 novembre 1963. Dans quelques mois avant la prédication, un procès. Donc, environ 5 mois avant la prédication, un procès. Le 30 juin 1963, on fait 93. Nous les sommes avec le même événement. Ce jour-là, là-bas, il y a de cela environ 33 ans ou 34. Oui, la manière de parler, il ne tranche pas, il dit. Alors, il fait une expression. On se tenait sur le rivage de la rivière Ohio. Là, au fond, avec environ 5000 personnes ou plus. 5000 personnes ou plus rassemblées sur le rivage. C'est des milliers de personnes. J'avais environ 20 ans, 23 ans, 23, 22, 23. Je crois que vous voyez la manière de parler. Non, je crois que quelqu'un qui est en train de trancher. Mais il ne se débrouille par mémoire. Mais il ne donne pas un chiffre précis. Ça peut nous arriver tous. Des événements lointains, on peut s'en parler d'une certaine manière. Surtout si au départ, on ne s'y attendait pas, on ne voulait pas en faire quelque chose de spécial, et on a fait des annonces avec pompe, la date est telle, mais quand vous êtes vous-même surpris, et que vous vous mettez à examiner point par point, nous verrons que Pierre même a eu à examiner ça pendant longtemps, pour en trouver les fondements bibliques. Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a des vérités? Est-ce que ça peut venir de Dieu? Donc lui-même pouvait aussi en douter d'abord, parce que c'est un croyant biblique. Ce n'était pas un fanatique qui gouvernait tout. Il a pris du temps d'examiner, voir la marche de ce notre point. Et maintenant, cette sorte d'étoile, cette lumière qui a brillé, et qui est descendu en tourbillonnant, nous allons lire ce soir ici. Quand elle a fini de dire ce qu'elle a dit là, elle n'a pas subitement disparu, mais elle a effectué un mouvement après avoir produit tous les effets là. Comme c'était près du pont, elle a bougé encore, et lui Branham l'a vu partir. Elle est montée au-dessus du pont, le pont qui était sur la rivière, aller au-dessus du pont, et puis elle a pris la direction de l'ouest. Elle est partie, on est allé. Et puis elle a disparu. Quel jour? Entre temps, des gens sont évanouis. D'autres sont tombés sur leur face. D'autres ont pris la fuite. Mais l'ange, la lumière, était tellement réel là. Et il est parti dans une direction vers l'ouest, du côté du soleil couchant. Et il est parti. Quel phénomène, mes chers amis. Toi et moi, nous n'étions pas là. Mais nous avons le devoir biblique de croire le témoignage de ceux qui ont vu la chose. Parce que vous savez, dans Marc chapitre 16, le Seigneur ressuscité, il est apparu. Mais quand les gens rendaient témoignage, les autres qui n'avaient pas encore vu ça doutaient. Ici dans Marc 16, verset 2 d'abord, le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Vous voyez là? Mais, verset 5, elles s'entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Ça aussi, c'est une chose réellement vécue. Ces femmes qui sont allées là-bas, ce n'étaient pas des fantômes, mais c'était des êtres humains réels. Ils étaient sous le soleil. Ils étaient là au pays d'Israël. Ils sont allés dans un cimetière réel. Ils sont entrés dans un sépulcre réel. Ils ont vu un jeune homme qui était là. Qui n'était pas Jésus qui avait été enterré. Imaginez, vous êtes sûr d'aller rencontrer un cadavre. Vous entrez dans la tombe. Quelle surprise! Et vous trouvez un jeune homme vivant. Écoutez d'abord, quel effet ça peut vous faire? Donc, vous êtes sûr que on l'a enterré ici? Vous êtes enterré tout pour le moment. Après ça, vous apprenez ça, pleurez peut-être. Retenez encore les larmes. Dès que vous entrez, le tombeau est vide. Il y a un jeune homme qui est allé. Bien aimé. Mettez-vous à la place qui parle. Très tôt le matin. C'est un événement vécu. C'est pour ça qu'il est dit. Elles furent épouvantées. Une secousse complète dans les humains. Les sentiments ont bougé. Ils connaissaient le visage de Jésus. Ils connaissaient leur maître. Il avait été entré à peine, il y avait trois jours. Il trouve un jeune homme vivant là-bas. Il était une robe blanche. Dans le visage, il n'avait rien de semblable avec lui. Elles furent épouvantées. Verset 6. Celui-là aussi n'était pas un fantôme. Mais il parlait. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Il y a le vide avant moi ici. Beaucoup moins de temps. J'ai dit que le cas Yesu de Nazareth, où a bâti sa mine et courance, où il a fini pour ce quoi. J'ai dit à la terre. Beaucoup la réfica, il a dit ça qui bango hier. Verset 7 et 8. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Mais bon que na boyo bisabaye kolina na ye pepetero et ajali koleka na libosso na bino na Galilée. Bokomo na ye kuna pela moko elobiye na bino. Verset 8. Elle sortit du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisis. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effort. Babini, Bakini, paralysé, tétanisé. Babini, Bakini, Nalili, Tampote, Kolenda, Poko, Kama, et Kangi, Bango. Balobini, Lobana, Moto, Mokote, Zambi, Bajalaki, na Somo. Au verset 11. Quand ils s'entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Ils ne le crurent pas. Les témoignages de ceux qui ont vu des choses réelles. Ils n'ont pas cru. Pourtant, ce qu'ils ont vécu est réel, après un impact réel. C'était de vrais témoins qui l'aient. Pour la résurrection de Jésus. Verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux autres d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ce sont les deux disciples sur le chemin de Paul. Dont Luc 24 parle. Verset 13. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Bango te bazongi pona koyebisa bamosusu nde bandimi monoko na bango te. Voilà. Ça, c'est la nature humaine. On peut vous dire ces choses, les répéter, mais quelqu'un a doute de tout. Ok. Ici, d'ailleurs, on n'a donné aucune date. Alors, mais les gens rapportent juste ce qu'ils ont vécu. Aussitôt vécu, ils ont témoigné. Et les effets ou l'impact qui a échoué. Les contemporains refusèrent de croire. L'incrédulité. Alors, Jésus lui-même vient. Verset 14. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'ils avaient vus ressusciter. Merci ma Yesu à mon ami na ba zomi na moko na jalaki bango po fanda na mesa ya pameli bango po na tembe na bango po na makasi na mitema zambi bandimite ba oyo ba monaki ye na sima na ye kosekwa. Maintenant que Jésus Christ est apparu là-bas à la rivière, en juin 1933. Alors que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Parce aux gens de cette génération, qui refusent de croire ces choses. Parce que Jésus deviendra tolérant, lui se dérange, produit les signes. Mais des gens du monde refusent de croire à cause de la dureté de leur cœur et leur incrédulité. Pensez-vous que Jésus va les approuver? Hein? Renonçons à ce mauvais cœur, ce cœur méchant. Soyons dociles pour croire. Ici, les disciples sur le chemin de Maus, ils ont eu même l'occasion de le voir. Mais juste parce qu'ils se lamentaient, le Seigneur, c'était, il les avait blâmés là-bas sur la. Homme sans intelligence, dont le cœur sont lents à croire tout ce qu'il a dit. Il les a blâmés. Leur cœur était lent à croire. La parole a prévu tout ça. Les événements commencent à s'accomplir. Mais votre cœur se montre lent pour croire. Il approuve les difficultés pour croire. Alors il dit, vous êtes sans intelligence. Il les a secoués. Eux aussi ont dû se ressaisir. Ils sont devenus témoins pour la vie. Ils ont refusé de croire. L'incrédulité est une mauvaise maladie. Vous savez, les gens des fois sont hypocrites. Hein? Moi, je préfère des fois quand je ne crois pas, autant mieux dire que je ne crois pas. Mais il y en a qui font semblant de croire, mais finalement, ils ne croient pas. Ils t'offrent un sourire jaune là, comme s'il était d'accord, mais c'est un grand incrédule. Sortez de l'hypocrisie. Monsieur, madame, tu gaspilles vraiment ton transport, ton temps, pour venir ici, est-ce que ta terre est incertaine, et sachant pas où est-ce que ces prédicateurs vont t'amener. Soit vous êtes croyant, soit vous n'êtes pas croyant. Ayez une position fixe. Dans Luc 24, verset 24, Oh, mais sans intelligence! Et dont le cœur est lent! À croire! Tout ce qu'ont dit les prophètes. Croyez à la parole des prophètes. Croyons le témoignage des prophètes. Cette chose a effectivement eu lieu. Renoncez à la dureté de votre cœur. Puisse la grâce de Dieu atteindre votre cœur. Je sais que cela a effectivement eu lieu. Nous lisions ici qu'il y avait 5000 personnes ou plus qui était rassemblé sur le rivage. J'avais environ 20 ans, 23 ans, et c'était mon premier réveil. J'ai baptisé 500 personnes cet après-midi. Et les diacres m'avaient amené dans l'eau. Basungi. Ils m'avaient amené dans l'eau. À la 17e personne. Alors que je baptisais, j'ai entendu une voix dire, lève les yeux. Et je me suis tourné pour regarder vers le haut. La mère de Billy, donc la sœur Hop, vous nous avez parlé hier. La mère de Billy, la sœur Hop, Bumbak. Vous n'êtes même pas alors mariés. On marchait simplement ensemble. Cette colonne de feu est venue là. Tourbillonnant dans les cieux bleu clair. À 14. Le 15 juin. Wana mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya motoba. Le 15 juin. Mokolo ya zomi na mitano. Quand il cite la date du 15 juin. Lango zomi na mitano. Là où ça fait jonction avec ce qu'il dit dans la prédication. Où il a dit. Walobi. Au milieu du mois de juin. Wana na katikati ya sanza ya motoba. Ou à la mi-juin. Tuna katikati ya motoba. L'idée c'est celle-là. Mekani tezali. Au milieu du mois. Pas au tout début du mois. Pas à la fin du mois non plus. Quelque part là au milieu du mois. Kama kona katikati. Il cite le 15 juin. Wana lobi mokola zomi na mitano. Qui en fait était un jeudi. Ouzalaki mokola mine. Le 15 juin 1933. Wana sanza. Citation, il n'a pas cité l'année. Il a estimé seulement que par rapport à l'année dans laquelle il parlait là, ça faisait 34 ans. Aucune estimation. En parlant du 15 juin, on a pensé que ça fonctionne avec celle de le mois de juin a toujours eu 30 jours. Vous connaissez mieux ce mois. Donc c'est le mois de votre indépendance nationale. Donc il a toujours eu 30 jours. Alors, au milieu du mois, c'est le 15. Ou à la quinzaine. Mais maintenant le problème c'est que l'événement a eu lieu un dimanche. Alors il y a des dimanches qui entourent le milieu du mois de juin. Le premier dimanche, vous voyez, c'était le 4 juin. Le deuxième dimanche, le 11 juin. Le troisième dimanche, le 18 juin. Le quatrième dimanche, le 25 juin. Maintenant, ne prenez pas les deux dimanches périphériques. Le 4. Ou le 25. Parce que ce n'était ni au début du mois, ni à la fin du mois. Mais c'était au milieu là. Êtes-vous là? C'est ça la date qu'il faut retrouver. Examination. Quand on parle du 15 juin, c'est une date précise. Comme quand il a parlé du 18 juin, c'est aussi une date précise. Mais le 18 juin, un dimanche, le 15 juin, un jeudi. Il avait parlé aussi du 16 juin, ou du 18 juin. 16 ou 18. Le 16 est un vendredi. Pour se déplacer au 18. Le 15 juin aussi étant un jeudi. Bien que c'est une date citée clairement là, il pose aussi problème. Que le Seigneur nous aide ici. Le 15 juin. Descendant droit dessus. Et il voit ce que entendre partout là. Disons, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour que le précurseur de la vie, tu as le message qui sera donc le précurseur de la seconde venue de Christ. tu as le message qui sera donc le précurseur de la seconde venue de Christ. Et les photographes en avaient pris. N'est-ce pas que c'était une réalité? Parce que même les photographes en avaient pris. Donc les photos sont là jusqu'aujourd'hui. Non pas une seule, mais plusieurs de ce service de baptême. Béni soit le nom du Seigneur. Les photographes ont pris des photos. Parce qu'ils étaient des témoins de ce qui venait. Ceci nous fait dire que cet événement a effectivement eu lieu. À la rivière Ohio, ça a eu lieu. Amen. Amen. Donc Dieu n'est pas l'auteur de fiction. C'est même que certains ont douté de la résurrection de Jésus-Christ. Libre à certains de douter aussi de cet événement ici. Et il y a moins, sachez-le, les témoins sont nombreux et des milliers. Plusieurs sont déjà morts, comme les témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ. Tous sont déjà morts. Il n'y en a pas un seul qui est vivant, à part Jésus-Christ lui-même. À part Jésus-Christ lui-même. Qui a dit que j'étais mort. Amen. Je suis vivant au siècle des siècles. Il témoigne de sa propre résurrection lui-même. Il avait dit à son état, c'est lui Jésus qui était mort. Même là, j'étais mis à mort. Il témoigne être vivant. Bon. Si vous doutez, à cause de ce que les gens ont fait, à cause de ce que les gens ont dit, parce qu'ils ont sorti un film intitulé La tombe des Talpiotes. La tombe des Talpiotes. Donc la tombe familiale de Jésus. Et toutes les preuves qu'ils ont essayées. C'est pour dire que Jésus, quand on l'avait enterré là-bas, dans la tombe du riche, sa famille est venue brutalement. Et elle a volé le corps. Ils sont allés l'enterrer dans un cimetière familial. Et maintenant, ce qu'ils disent dans ce film-là, c'est que film et Jésus, là où on l'avait enterré, juste à côté de lui, il y avait la tombe de Marie de Magdala. Marie de Magdala. Et il semble, d'après tous ces scientifiques-là, ils disent avoir fait des recherches, ils disent que Marie de Magdala, Marie Madeleine, Marie de Magdala, était comme la copine de Jésus, non? Azalaki, moi, et puis, ils disent, Malumi, il y a eu lui, entré ici, et puis il y avait la caisse de la tombe de Marie de Magdala. Wana sanduku ya Marie de Magdala et une autre découverte. Wana ba moni li pamosu juste devant. Bobolo li boso wana. C'était une autre caisse. Ezala ki mosusu sanduku mosusu. C'était la tombe de Judas, fils de Jésus. Oya Yuda mwana Yesu. De Marie de Magdala. C'est mwana oya Marie de Magdala. Mwana na bamuba. Ils avaient même un enfant appelé Jésus. Judas. Bazala ki na mwana ba bengi Yuda. Ce sont des insanités. Wana ezali mosoto penza. Comment quelqu'un dit à Israël, vous normal, vous allez là. Oh non, ils sont allés casser là-bas Jérusalem, ils ont cassé. Il y avait des mentions, on avait écrit Judas, fils de Yehoshua. Et puis à côté, il y avait la tombe de Marie de Magdala. C'était ça les tombes familiales. C'est faux. Il ne faut pas les croire des mensonges. Nous croyons aux choses réelles. Jésus-Christ là est apparu. Nous en avons même la photo. Frère, nous ne parlons pas des histoires. Ce Jésus-là est apparu. Son tombeau est vide. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, si vous n'avez pas des choses comme ça, Vous allez avec la théologie des femmes et des crédules de ils disent avoir les preuves scientifiques. Aujourd'hui de la tombe. Ce sont des menteurs. Nous ne croyons pas des montages comme ça. Nous croyons aux évidences. Jésus qui était ressuscité, il est apparu à Saul de Tarse, il est apparu à Simon Pierre, il est apparu à Marie de Magdala, de la qui avait chassé sept démons, il est apparu à un groupe de 500 frères à la croix, il est apparu à William Branham. Il nous est apparu aussi. Il est vivant. La résurrection est une réalité. Ce n'est pas un langage spirituel. C'est une réalité physique. Bien aimé. C'est pour ça que vous avez besoin de vrais témoins. Hein? Si moi je ne l'avais pas rencontré. Si moi je ne l'avais pas rencontré. Si moi je n'avais pas fait la colonne de feu. Que dirais-je devant des arguments parfaits? Voyez frère, je me mettrai à dire oui, bon, après tout, la science est là aussi pour nous aider, nous devons bien examiner. On doit revoir certaines compréhensions des versets bibliques que nous disons là, après tout, théologien. Il faut avoir rencontré la personne. Vous avez les évidences. Vous savez de quoi vous parlez. Je suis témoin qu'il est vivant. Je parle de 14 mars. Je ne tomberai pas. C'est une réalité. La même colonne de feu était là. Était là dans la salle. Le 14 mars 1900. Mes yeux ont vu sa gloire. Mes oreilles ont entendu sa voix plusieurs fois. Une voix audible. Aussi distincte que la vôtre. Oui frère. Je suis témoin. Libre à chacun de croire ce qu'il veut croire. Je ne peux pas ne pas parler de ce que je vis. J'aimerais dire ça. Comme les apôtres d'autres fois l'avaient dit. Actes les apôtres chapitre 4. Le verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas nous l'interdire. Nous sommes témoins de cela. Nous ne pouvons pas ne pas en parler. Amen. Mes yeux ont vu. Mes oreilles ont entendu sa voix. Je témoigne qu'il est ressuscité. Le témoignage des frères et des autres a été écrit. Le nôtre aussi doit être écrit. Parce que le Seigneur est le même. Le Seigneur est le même. Êtes-vous là? Cette chose a bel et bien eu lieu. Dans les sermons, tournez les regards vers Jésus. Le 29 décembre 1963, paragraphe 60. Et voilà, alors que cet ange, cette lumière, qui a été parfaitement bien identifié. Donc, Frère Branham a pris le temps d'examiner comment on le voit. Et il est là parfaitement bien identifié. Par les Saintes Écritures. Bien identifié. Pas quelque chose dont on est incertain de l'identité. À la fois par l'Église, par la parole, par la science, et tout l'a identifié. L'Église a identifié. La parole La science avec les photos. L'événement a bel et bien existé. Et nous répétons que c'était phénoménal. Que ceci est ici votre part. Cette lumière, oyo, au moment où il est apparu, pour la première fois en public, elle s'est tenue juste au-dessus de l'endroit où j'étais. Vous aimez? Vers 2 heures de l'après-midi. C'est 14h. Au pied du pont. Le message en question et le messager en question ont joué leur part. En confirmant, comme a dit le Seigneur, Élie vient premièrement. Et aujourd'hui, cette écriture est déjà comprise. Pour rétablir toutes choses. Et ce lit, quand il est venu, ce n'était pas sur base de fiction qu'il a quitté. Il a vu une représentation. Dieu lui a parlé, dit c'était une représentation du Seigneur. L'ange était si réel. Dans messieurs, est-ce le signe de la foi? Prêchez le 30 décembre. Ce n'était pas pour moi, c'est pour vous. Moi aussi je crois. Et il s'en alla. L'ange s'en alla. Si vous vous souvenez, lorsque cet ange est parti, il est monté en direction de l'ouest. Il passa juste au-dessus du sommet du pont. Il alla vers l'ouest. Ça aussi c'était une réalité. Même la direction qu'il a prise. Il est venu là-haut. Il s'est arrêté au-dessus de la terre. Il a donné la commission. Quelques minutes après, il a fait le mouvement. Il est monté au-dessus du pont. Et il a pris la direction de l'ouest. Vers le soleil couchant. Autant du soir, la lumière paraît. Suivez la direction sur le pont. Souvenez-vous de la promesse. Il y aura la lumière. Le temps du soir est arrivé. Nous sommes un peuple privilégié. Nous devons l'adorer. Nous devons lui être reconnaissants. Il a fait des choses réelles. Dont les témoins sont des milliers. Béni soit le nom du Seigneur. Moi je me sens si bien avec vous. L'un des témoins de la résurrection de Jésus. Quelles que soient les bêtises que les incrédules nous ne sommes pas concernés par ça. Nous sommes concernés par les affaires du royaume de Dieu. Les choses de votre Père nous intéressent au plus. vous allez compter la la plupart des incrédules. Vous allez raconter à ces incrédules. Sinon que les cerveaux. Vous allez envoyer des réflexions. Mais nous, au-delà des cerveaux. Au-delà des corps humains. Nous avons le super sens. Vous allez et au nous avons le sixième sens. Il y a la foi et le surnaturel. Qui nous permet d'accéder. Là où le corps humain est limité. Alors je vous ai dit au début, votre foi doit aller avec Dieu sans limiter. C'est là que vous entendez les super. Et vous entendez les merveilles du Seigneur. Et Dieu devient réel pour vous. Béni soit tous ceux qui croient. Jésus-Christ est fidèle. Nos cœurs doivent les reconnaître. Nous devons nous repentir de nos péchés. Amen. La bonne nouvelle, il y a toutes les évidences. Je vous bénis. Tenons-nous debout pour la prière. Mon sauveur souffre sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi, gloire. L'agneau, c'est que jamais. Ce nom brillera sur mon front, gloire à l'agneau de Dieu. Je vais dire à chaque pécheur, gloire à l'agneau de Dieu. Qu'enfin j'ai trouvé mon sauveur, gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, jamais le connaissant. Ce nom, priera sur mon front, gloire. L'agneau de Dieu. Oui, je veux chanter plein de foi, gloire à l'agneau de Dieu, qu'est mon sauveur est mort pour moi, gloire. À l'agneau de Dieu, agneau, l'agneau de Dieu, jamais descend ses noms, priera sur mon gloire et gloire à l'agneau de Dieu. Du monde, je fais l'abandon. Du monde, je fais l'abandon, gloire et gloire à l'agneau de Dieu. De mes péchés, je le pardonne, gloire et gloire à l'agneau de Dieu. l'agneau de Dieu, je mangeais. Le corps de son nom, qui ira sur mon front, gloire, l'agneau de Dieu. Parmi les sauvés, j'ai mon nom. Gloire à l'agneau de Dieu, mon cœur est lavé dans son sang. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, j'aime le coup de sang, ce nom brillera sur mon front, gloire, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, je mange avec le corps de son ce nom qui est resté mon fond, gloire. À l'agneau de Dieu. Disons chacun un mot de prière. À ce Dieu de merveille qui agit dans la simplicité, mais avec évidence, avec impact, qui envoie une représentation de l'Éternel, parlant avec un prophète face à face, sans énigme, comme il avait traité avec Moïse, Dieu encore contrôle du tout, faisant de grandes choses au temps de la fin dans notre génération. Parlons chacun à ce Dieu qui t'a fait grâce de connaître ces choses, d'entendre ces choses qui ont eu effectivement lieu. À l'ouest, le soleil se couche. En Lingala, Neloli, Moi et Kolala. Neloli, Moi et Kolala. E come so canamo ben bon, penamo ni tango e coqui, tango moi e cola la ca, tocomi, na so ca, yamo ben bo pe. Tokomi omi na soka ya makambo manso bisa tokomi na soka ya mobembo pensa tokomi na soka ya makambo manso e bota la pole ya pokwa deloli engengi ponanga e monisi manana moto nandimi yango. Moi je crois. Tokomi, na saka ya ma be mo pe sa to mi na saka ya ma kambo ma sa e si to mi na saka ya ma be mo pe sa toko mi na saka ya ma kambo ma sa mo pa ya toko mi na saka tolonga mo kile toke ne ke bata ngonga neni tolonga mo kile toke ne esi toko mi na soka ya mo be mo pe za toko mi na soka ya ma kambo ma so esi toko mi na soka ya mo be mo pe za toko mi na soka ya ma kambo ma so esi toko mi na soka ya mo be mo pe za toko mi na soka ya ma kambo ma so c'est la fin de la course. C'est la fin de toute chose. Oh, c'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin de toute chose. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te remercions abondamment pour ce grand privilège que tu nous donnes de connaître ces choses, de connaître tes voix, de t'observer dans la service avec la fidélité la plus biblique. Ta parole s'est accomplie. Ta commission s'est exécutée. L'ange du Seigneur est en train de cœur à nous croit ça. Oh Dieu, dépouillez-nous de toute incrédulité. Chaque frère, chaque soeur, toute l'église, délivre-nous de toute incrédulité. Ici et plus loin d'ici. Les nôtres qui sont à distance. Père, délivre chacun de toutes les choses. Nous voulons être une armée de vrais croyants. Fais-moi des choses que tu fais maintenant. Bon Seigneur, dans la continuité de ton âme. Réveille chacun du sommeil et répond à nos prières. Nous avons formulé différents besoins. Exauce Dieu. Exauce et honore ta parole. Édifie notre foi. Pour qu'elle soit inébranlable. Qu'elle ne bouge de barrières. Que aucune théologie ni aucune philosophie. Nous avons une foi inébranlable. Une position fixe. intimité avec Dieu. Reste avec chacun. Au nom tout puissant de Jésus. Et garde-nous pour être fidèles encore demain. Dans la chaîne de prière. Que chacun s'adresse à toi. Aux heures convenues. Aux sujets convenus. Que tu prêtes encore oreille à nos supplications. Nous venons pour frapper à ta porte. Que tu accomplisses des miracles. Ouvre des horizons. Faire une percée pour nous. Avancer significativement. Voir la gloire de Dieu à tous égards. Sois miséricordieux envers nous. Et bénis l'œuvre que tu as commencée. Jusqu'à l'achèvement de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse.